Bonjour Helmut. Bonjour. Ah, mes amis, comme vous le savez, ce week-end c'était la célébration des morts. Vous me connaissez, le respect des anciens c'est une priorité pour moi. Ah ça, les anciens, le schnapps et les putes, respect. Bref, histoire de faire une bonne action, j'étais à la maison de retraite à côté de chez moi pour visiter les futurs bien morts. Bonjour madame, je viens rendre visite à vos vioques. Hein? On dit pas vioques? Oh, excusez-moi si je me gourre, mais ils sont plus frais quand même, hein? En fait, c'est quoi votre petit nom? Cynthia? Ah, c'est joli Cynthia, ça fait shampouineuse qui en a marre de sa vie de merde et qui se lancerait bien dans l'industrie du porno histoire de s'élargir l'horizon. Pas du tout? Vous êtes épanoui? Oh bah tant mieux. Oula! Ouh, dites donc, ça fouette là, on est où? Madame Dutreuil? Avec une odeur comme ça, elle est morte, hein, je vous garantis. Ah! Qu'est-ce que je vous disais? Vous gérez vos stocks n'importe comment, excusez-moi. Hein. Bon, pendant que vous l'emmenez au frigo, je continue ma visite, moi. Alors... Ouh la vache, il a pas l'air frais non plus, celui-là. Je vais appuyer sur l'œil pour vérifier. Ah, mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Faites un mal de chien. Valérie, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, qu'est-ce que vous gérez? Vous êtes en train de me torturer, c'est ça? Vous êtes un vulgaire nazi. Arrête de dire des conneries, Valérie. Je croyais que t'étais mort. Je voulais juste vérifier. Et c'est qui le vieux à côté? Alors écoutez, j'en sais rien du tout. Ce monsieur est là depuis très longtemps, apparemment. Je crois qu'il est pas au mieux de sa forme. C'est quoi le goutte-goutte qui lui passe dans les bras? Je crois que c'est un sérum pour garder la forme. Ah bah c'est raté, hein. T'as vu sa gueule, on a l'impression qu'il est mort depuis 2 mois. Bah attends, je vais arranger ça, moi. Enfin, que je joue, vous faites. Mais je lui mets du schnapps dans son goutte-goutte. Je suis sûr, ça lui fera du bien. Vous allez le tuer, le mouton. Enfin, vous êtes malade. Mais non, regarde, il sourit déjà. Ah, regarde-le, il est... Mais il est quoi? Ah, il est mort, je crois. Vous l'avez tué, vous êtes qu'un assassin. Au secours, on pratique l'euthanasie sauvage dans cette chambre. Help, I need somebody, help. Tu vas la fermer, vieux croumillon, je t'étouffe avec ton oreiller. Je te signale que de mourir le jour de la fête des morts, c'est porte-bonheur. Je suis rendu service à ton voisin de cercueil. Et Christophe, c'est au moment où je finissais de boire le goutte-goutte du vieux macabé, histoire de rien gâcher, que Cynthia est rentrée dans la piole. Elle m'a pris pour un maniaque, la conne. Et je me suis fait virer comme un malpropre. C'est la dernière fois que je fais des trucs pour les vieux. Moi, je vous le dis, moi, je vais me concentrer sur les jeunes et souhaiter un bon anniversaire à Émile, car c'est aujourd'hui. Eh oui, 7h30 ou 8 minutes. Oh, il est à zèle.